Max. FK Prod. 8-9. Prends le micro comme un gun et je tire sur tous ceux qui sont sur ma route. J'accélère, putain il reste du sang sur ma roue. Comme JLN on se creuse la tête avant de finir dans un trou. Et n'oublie pas les traîtres, c'est comme les gays y'en a trop. Je mise tout sur moi-même, je prends la route et même en pleine tempête. On se voit une fois par an donc me fais pas croire que ma peine t'embête. Je fais du lourd avec l'équipe mais toi, ton rappel à ce deck. Désolé de te dire que ton navire a percuté l'iceberg. Le silence est d'or donc ferme ta gueule et fais de l'oseille. Enfer c'est obligé, comme un keuf qui fait du sel. Dur de prendre son envol, avec du plomb dans l'aile. On garde les pieds sur terre et c'est la prod qu'on monte en l'air. Je reprends ma respi, je me sers un verre pour amorcer l'inspi. Et si je m'arrête en chemin, c'est uniquement pour me rouler un spliff. Petit frère fait bélec, je te parle que de faits réels. Pour toi la rue c'est un jeu, mais c'est pas toi qui fais les règles. Donne-moi un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes belles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes belles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. On m'a dit, l'oseille attire la convoitise. Je combattis, les petites viennent combattives. Préfère la coupe des tailles que Konami. Apparemment le cannabis et puis les conneries. C'est toujours à la mode comme des constats aussi le canari. Je satanise avec mon rap un soupçon atomique comme Kadhafi. Fais des clés de promo sur le tatami. C'est la qualité pure qui fait qu'on la tamise. Pour récolter le seum, pas pour le fun comme quand tu sympathises. Je pète une Guinness avec un riche quand c'est la Saint-Patrick. Je reste authentique, les anti-Hefflit c'est pas automatique. Et pour le bis, je te conseille d'appeler à la cabine, pas où t'habites. Quand je garde à l'esprit que ma mine est un calibre. Ça fait 10 piges que je le pratique, mon rap est organique, il paralyse. Les paroles les prêches et colmate les fuites. Sachez que si un jour il connaît la défaite, c'est que moi je serai tranquille en train de dormir au paradis. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Yeah. Et certes, il part mon art de l'or dans son terroir. Des cartouches plein la carte de nuit, vas-y, j'ouvre le tiroir. Ça part tous pour t'inquiète, j'ai fait le plein du réservoir. Et si je tape dans la réserve, alors j'irai me resservir. Je doute que mon compte m'en prospère, mais garde l'espoir tant que je respire. Mes racines ancrées dans la terre, jamais trop tard pour s'en sortir. Pourquoi les coudes se serrent, pas pour histoire, mais pour se tenir. Pas pour le froid, ni par profit, mais par principe, non, ce n'est pas un défi. Tous dans le même bateau, et ça rame pour les mêmes galères. J'ai su écarter les faux et ne faire confiance qu'au vrai. J'en connais des histoires à te faire pâlir. Des gens qui n'en avaient pas l'air, et par devant plastique, et t'assassinent par derrière. Alors je fais mon bail, essaye de ramasser quelques billets. Dorénavant je fais plus de détails, attention j'envoie les torpilles. Je veux pas finir sur la paille, désormais j'ai plus de pitié. Ouais mec c'est avant des dailles qu'il faut que t'embrayes. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. C'est la merde, et trop de gens sont plus d'alerte. Donc on est tous à l'ouest, certains sont tenus en laisse. D'autres sont dans le malaise, même si t'es trop balèze. Ne crois pas que t'es à l'aise. Quand tu cherches les emmerdes, tu finis par les trouver. Écroué, c'est ce que tu voulais. J'pense pas, pose-toi, réfléchis et tais-toi. Fini le temps des 10 puces, maintenant c'est le temps des grosses putes qui visent par le butin. Mais casse-moi d'ici, espèce de grosse putain. Heureusement qu'ils sont pas tous parés, sinon ça serait trop la merde. C'est le nouveau phénomène de faire du mal à ceux qu'on aime. Ceux qui contournent leurs problèmes, ils ont vraiment rien dans leur tête. Rien que ça se la pète et ça se prend pour des vedettes. T'as vendu quelques barrettes, arrête de faire le malhonnête. On est que des marionnettes, que tu sois riche ou plein de dettes. Ça commence à me prendre la tête que les gens se croient éternels. Y'a un dieu dans cette histoire. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est rap et d'elle ici, c'est résident ou débile. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes pelles. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Si tu veux je me calme, mais là je peux pas être plus cool. Avec mon son je me calme et fais en sorte que ça colle. Mes heures de cours je les ai passées à gratter des textes, je mis ton cul dans la rue, ça court pour sauver ses fesses. Mais quoi que t'y fasses, ils veulent me voir dans le fossé. Donc vas-y fonce, avec les sourcils foncés. Je représente les vrais, ceux qui savent sur quel pied danser. Ceux qui se font rarer pour la mif n'ont pas peur d'en chier. La peur n'évite pas le danger, donc j'ai fait avec. À force du temps tu verras qu'il y a des trucs pas nets. C'est un coup de folie, mais on n'est pas si fou que ça. Je vais rester poli, il le vaut mieux pour toi. Je me répartis mes rêves encore un peu d'être partout. J'ai repris la partie, je suis revenu les éclats tous. J'ai le regard froid, je suis pas là pour faire sac cadeau. Je représente les frères et viens niquer les cartes. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est Rapidel ici, c'est résident des villes. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes peines. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Donne-nous un mic et c'est terrible, ça pète jusqu'à Périse. C'est Rapidel ici, c'est résident des villes. Ça me fout la rage quand on prend pas les mêmes peines. La punchline fait la sensation d'une balle en pleine tête. Yeah. Max FK Prod, RIFA, TAPS, BPM, le Rapsa FKC FLX, 8-9.